Bonjour, bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, je vais vous parler du très célèbre peintre et graveur Goya, ainsi que de son œuvre Le Temps ou les Vieilles. De son nom complet, Francisco José de Goya y Lucientes est un peintre et graveur né le 30 mars 1746 en Espagne. En 1786, il devient le peintre du roi d'Espagne, donc de Charles III, suivi par Charles IV. Mais suite à cela, il tomba gravement malade. Il devient donc très faible et sourd. En 1799, il est nommé premier peintre de la cour d'Espagne. En 1808, l'Espagne fut envahie par les troupes napoléoniennes. Goya est alors partagé entre les idées révolutionnaires françaises et le patriotisme qui le pousse à rester fidèle au gouvernement espagnol. Suite à cela, il peint des œuvres pour dénoncer les crimes commis par les troupes françaises, comme les désastres de la guerre ou encore les insurgés espagnols. En 1814, Goya peint les célèbres Dos y Tres de Mayo, sur la demande du gouvernement espagnol. Il finit par être écœuré par la politique réactionnaire de son souverain. En 1824, Goya quitte l'Espagne pour Bordeaux, où il finira sa vie. Et 4 ans plus tard, il meurt à l'âge de 82 ans. Maintenant, je vais vous parler de son célèbre tableau « Les Vieilles » ou « Le Temps », qui est une peinture à l'huile peinte par Goya durant la guerre d'indépendance espagnole. Elle a été peinte vers 1808 jusqu'en 1812. Le tableau représente 2 vieilles femmes ressemblant à des squelettes bien habillées. La première femme blonde regarde une miniature, un petit portrait d'elle-même, quand elle était jeune. Celle de gauche lui tend un miroir où au dos il est inscrit « Qu'est-elle ?», ce qui signifie « Comment ça va ?». La femme blonde peut donc voir son visage ravagé par le temps. Derrière elle se tient un personnage avec des ailes, qui est prêt à l'assommer avec un balai. Ce personnage est Chronos, le dieu du temps, mais il représente aussi la mort. C'est donc une vanité. Le message que fait passer Goya avec ce tableau est que tout le monde meurt un jour ou l'autre, qu'on soit riche ou pauvre. On peut d'ailleurs observer des similitudes entre ce tableau et le portrait réalisé également par Goya de la famille royale d'Espagne. Donc Goya ose utiliser son modèle royal pour évoquer la vie éphémère. Voilà, ce podcast est terminé, j'espère qu'il vous aura plu et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode.